mwen le kote ou. Mi plan kome pa yonke, mwen le donne nan mwen fou. Et pou mwen le ciel le blé. Mais tu le toujours donne mon pensée. Mi yama tu es comme mon bon Dieu. Nous te ou le te destiné. Te ou ta pou nou rencontre. Mwen mwen. Mi doudou gâte. A tu même mon destiné. Mi doudou chéri. Mi yama ou, mi yama ou. Mi doudou gâte. A tu même mon destiné. Mi doudou chéri. A tu même mon amour. Mi doudou gâte. Mwen pa donna ou ka telefon, texta mwen bon ti modou. Et même si nou gen pa trouvé, tou les zwen a gen dialogue. La mi mas mi vie mi don en rou. Un seul zafye dans mon tête, quand ça nous va gen retrouvé. Nous te tout seul en amour. Hey, ensemble. Mi doudou gâte, a tu même mon destiné. Oui doudou chéri, mi yema ou, mi yema ou. Mi doudou gâte, a tu même mon destiné. Oui doudou chéri, à toi même mon amour. Mais doudou gâté, à toi même mon destiné. Oh doudou chéri, mi yama ou, mi yama ou. Mais doudou, à toi même mon destiné. Oh doudou chéri, sera sincère, ton nom l'écrabe dans mon cœur, et ça l'est comme mon prière. Mais tu es toujours dans mon pensée, mais y'a ma tête comme mon bon Dieu, nous t'es où les t'es destiné, tout ça pour nous rencontrer. Avec moi. Mais doudou gâté, à tous les mêmes mon destiné. Mais doudou chéri, mi yama ou, mi yama ou.